J'en ai eu marre. Tous les réveils sous la faute. J'aurais dû crever dans une mare de pisse fermée dans des chiottes. Au lieu de ça, je combat fébrilement en essayant vos vies.